fûmes amenés devant Dieu. Nous mangeons et buvons ces mots. Le Saint-Esprit est clair. Nous comprenons la vérité que Dieu dit nous.